إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc maintenant c'est on va commencer la sixième cours dans l'explication de شرح مسائل الجاهلية et on est arrivé au point numéro 4 et le titre de ce point c'est quoi التقليد الأعمى ومضره c'est-à-dire le fait de suivre aveuglément nos ancêtres ou nos coutumes, nos traditions et les méfaits qui sont reliés à ça. Le cheikh il dit inna le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit inna dinahum mabni ala usul a'zamuha at-taqlid fa huwa al-qa'idatu al-kubra li jami' al-kuffar أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباء أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فأتاهم بقوله قل إنما أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الآية قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que la religion des mushrikin, la religion des gens de la jahiliya, la religion des kuffars, juifs ou chrétiens ou autres, elle est basée sur des fondements. Et le plus grand de ces fondements-là, c'est At-Taqlid. At-Taqlid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais juste ce que les autres ont fait parce que tu les suis aveuglément. C'est ça que ça veut dire At-Taqlid. Tu te bases pas sur une preuve, sur une connaissance. Tu te bases juste sur le fait d'imiter les autres. Qu'est-ce que les autres ont fait, toi tu le fais toi aussi. Donc ça c'est leur plus grande règle, parmi les règles qu'ils suivent. Et c'est la règle de tous les kuffars en général. Depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier. Et ils mentionnent des versets dans le Coran qui donnent des exemples à ce sujet-là. Comme le verset 23 dans Surat Al-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est ainsi que nous avons envoyé avant toi de messagers à un peuple. Nous avons envoyé d'avertisseurs à un peuple, excepté que les bien-aisés parmi eux, les gens qui sont aisés, qui sont riches parmi eux, ils ont dit, nous avons trouvé nos pères sur une religion, sur une voie, et nous suivons leurs traces. Nous prenons leurs traces comme exemple. Donc, leur seul argument, leur seule justification pour la religion qu'ils suivent, c'est pas que, qu'est-ce qu'ils suivent, c'est la vérité. C'est pas qu'ils ont une preuve. C'est juste de dire, nos parents ils suivaient ça, donc nous on le suit aussi. Hein? Et il mentionne un autre verset dans Surat Luqman, le verset 21, dans lequel Allah il dit, et lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ou qu'est-ce qu'il a révélé, ils disent, nous on suit ce qu'on a trouvé, nos pères. Hein? On suit la religion sur laquelle on a suivi nos parents. Hein? Et ensuite, Allah il répond en disant, Et même si le shaitan était en train de les appeler pour qu'ils soient dans le châtiment de l'enfer ou de la fournaise, Donc ça c'est la réfutation à leur argument. C'est-à-dire, eux, vos parents, ils étaient en train de se diriger vers l'enfer. Ils suivaient le shaitan qui les invitait vers l'enfer. Donc est-ce que vous allez les suivre alors que vous savez qu'ils sont en train de se diriger vers l'enfer? Et il mentionne également le verset 46 dans Surat Saba. Et ça c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux mushrikin. Qul, Allah il dit au messager, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux mushrikin, de dire aux gens de la jahiliya, je ne vous exhorte qu'à une seule chose, que vous leviez pour Allah subhanahu wa ta'ala par deux ou bien tout seul, et que vous vous mettiez à réfléchir, que vous commenciez à réfléchir par rapport au messager, par rapport au prophète, et que vous commenciez à réfléchir. Votre compagnon, il n'a pas été possédé, ou n'est pas, il n'est pas pris par la folie. Réfléchissez comme il faut au message de qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner, aux choses qu'il est en train de dire, et dites-vous en vous-même, est-ce que celui-là c'est un fou, est-ce que celui-là c'est quelqu'un qui est possédé, est-ce qu'il parle comme quelqu'un qui n'a pas de raison, et analysez les choses, essayez de réfléchir. Et ensuite il mentionne le verset 3 dans Surat Al-A'raf, suivez ce qui a été révélé pour vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de, en dehors de lui, en dehors de celui-ci. Et comme vous vous souvenez, comme vous vous souvenez peu, il leur donne des exemples comme ça, il leur fait réfléchir, il les appelle à suivre ce qu'il a révélé. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique, il dit « Min masail al-jahiliya annahum la yabnouna dinahum ala ma ja'at bihi al-rusul alayhim wa salatu wa salam, wa innama yabnouna dinahum ala usoulin ahdathuha hum min indi anfusihim. ولا يقبلون التحول عنها ومنها التقليد وهو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة كما قال سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مترفوها هم أهل الرفاهية المال والمال في الغالب لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق فأهل الطرف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين وإنا متبعون لهم على دينهم يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا هو التقليد الأعمى وهو من أمور الجاهلية. Donc le Cheikh dit que parmi les questions de la jahiliya dont on mentionne dans ce livre, il y a ce point-là. C'est que les mouchriquins, les kuffars, ils basent leur religion, non pas sur ce qui a été ramené par les messagers, mais ils les basent sur ce qu'ils ont établi eux-mêmes comme fondement, et qu'ils ont inventé eux-mêmes comme religion. Et ils n'acceptent pas de changer pour quoi que ce soit. Et pour ça, vous allez le remarquer, allez, de la part des gens qui suivent des coutumes ou des traditions, et des religions, même les pires religions, les religions les plus bizarres que vous pouvez imaginer, vous voyez que c'est des gens qui suivent des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes, et ils n'acceptent pas de remettre en question quoi que ce soit de ces religions-là, même si c'est parmi les choses les plus absurdes et les plus ridicules. Et donc ça c'est parce qu'ils se basent sur le taqlid, ils se basent sur le fait d'imiter et de suivre aveuglément qu'est-ce que les autres font. Donc ils se suivent les uns les autres dans leurs mensonges et dans leur fausseté. Donc ils suivent en particulier ceux qui ne sont pas aptes à être suivis parce qu'ils ne sont pas des bons exemples ou des bons modèles. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23 dans Surat Az-Zukhruf, et c'est ainsi que nous avons envoyé avant toi d'avertisseurs à un peuple, excepté que les gens bien aisés, les gens qui avaient des richesses dans ces villes-là ou dans ces peuples-là, ils répondaient aux messagers aux avertisseurs, nous avons trouvé nos parents sur une religion et nous les suivons, nous les prenons comme exemple, comme modèle. وَمُتْرَفُوهَا هُمْ أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ Les gens, quand Allah dit « مُتْرَفُوهَا » c'est les gens qui ont « التَّرَف » التَّرَف, ça veut dire les gens qui vivent dans la luxure, qui vivent dans l'aisance, dans la richesse, dans l'opulence, qui ont beaucoup d'argent en général. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent ces gens-là qui sont des gens qui aiment le mal et qui refusent d'accepter la vérité. Contrairement aux gens faibles et aux pauvres, qui sont en général des gens humbles et qui acceptent la vérité. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas, il y a des exceptions, mais en général c'est comme ça. Donc les gens de taraf, les gens qui ont la richesse et qui ont des positions d'importance et un statut important, et dire qu'ils ont beaucoup d'argent, ce sont souvent ceux-là qui rejettent en premier le message. C'est pour ça qu'Allah dit « إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا » excepté que les gens bien aisés, qui ont de l'argent, qui ont une position dans cette société-là, disent « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, c'est-à-dire nous suivons ce qu'ils nous ont enseigné comme religion et c'est tout. On veut pas, on n'a pas besoin de messager, on n'a pas besoin de prophète. » Ils croient que ce qu'ils ont trouvé chez leurs parents, les exemples de suivre les messagers qui leur ont été envoyés. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle « At-taqlid al-a'ma huwa min umur al-jahiliya » Et c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui donnent des exemples. Par exemple, je rappelle souvent quand on était plus jeune, et puis on avait fait une bêtise ou quelque chose, et puis par exemple, on nous demandait « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et on répondait « On l'a fait parce qu'on a vu un tel qui l'a fait, et on a voulu faire pareil. » Et là, nos parents ou bien les professeurs, ils répondaient « Et si quelqu'un se jette en bas d'un pont, est-ce que toi aussi tu vas te jeter en bas ?» Et bien entendu, on connaît la réponse. Donc c'est pour dire, c'est ça le taqlid, c'est comme si tu disais « Parce que les gens faisaient ça, nous aussi on le fait. » Sans réfléchir, sans essayer de trouver « Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Si quelqu'un se jette en bas du pont, toi tu y vas et tu te jettes en bas. Pourquoi ? Parce que les gens le font. Parce que c'est comme ça que mes parents ont fait, parce que c'est comme ça que mes ancêtres ont fait. Et ça c'est la religion de la jahiliya. Et le cheikh il mentionne ces exemples-là, pas seulement par rapport à la jahiliya, mais parce que ces problèmes-là, ça existe encore même aujourd'hui à notre époque. Pas seulement chez les koufars et les mouchriquins, parce que ça c'est sûr, chez eux ça existe, on le retrouve tout le temps, puisque leur religion souvent, elle est loin des textes révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais on le retrouve même parmi des gens qui sont nés dans des pays musulmans, qui ont grandi dans des cultures et des traditions contraires à l'islam, et qui veulent persister à suivre ces traditions et ces coutumes, et parfois même ces innovations-là et ces bizarres, parce qu'ils ont trouvé leurs parents ou leurs ancêtres en train de les pratiquer, et ils savent que ces choses-là n'ont aucune référence dans les textes du Coran et de la Sunna, et dans la compréhension des salaf al-salih, mais ils persistent à vouloir rester sur ces croyances et ces pratiques religieuses-là qui sont pas islamiques. Donc le cheikh il dit « Amma taqlid fil khayr, fada yusamma ittiba'an wa iqtida'an » قال تعالى عن يوسف عليه السلام « واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de suivre quelqu'un dans le bien, ça on n'appelle pas ça taqlid. On n'appelle pas ça taqlid. On l'appelle en arabe ittiba'. Ittiba', ça veut dire de suivre. Ou iqtida, c'est-à-dire de prendre comme exemple. C'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. Et il donne l'exemple de Yusuf alayhi salam dans Surat Yusuf, verset 38, quand il dit « Et j'ai suivi la religion de mes pères, de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub, parce que ce sont ses parents, ses ancêtres. » Et il dit « il nous appartient pas ou c'est pas correct d'associer pour nous quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala. » D'accord ? Donc ça c'est la religion des prophètes avant lui, de ses parents, parce que lui il est descendant direct des grands prophètes qui ont été envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam. Et il donne exemple aussi par un autre verset qui dit, dans Surat Tawbah, le verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les tout premiers croyants parmi les muhadirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Hein? Donc, quand tu suis des gens et que tu les suis dans le bon exemple, dans la vérité, ça on l'appelle ittiba. Et quand tu les suis dans la fausseté, dans le shirk, dans les innovations, dans les péchés, ça s'appelle taqlid. Et le taqlid, c'est quelque chose qui est mal vu, qui est blâmable, hein, dans la religion. Et le cheikh dit, وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ فَالَّذِي لَا يَعْقِلُ وَلَا يَهْتَدِي لَيْسَ مَحَلًّا لِلْقُدْوَةِ وَإِنَّمَا الْقُدْوَةُ فِي مَنْ يَعْقِلُ وَيَهْتَدِي فَالتَّقْلِيدُ الْأَعْمَى مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا يُسَمَّى التَّعَصُّبُ هَذَا يُسَمَّى بِالتَّعَصُّبِ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ. Donc, le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des gens de la jahiliya, et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent non, nous on suit ce qu'on a trouvé, nos parents, comme on a trouvé nos parents en train de pratiquer, et c'est ça ce qu'on suit. Hein? On a trouvé que nos parents suivaient une religion, et c'est ça ce qu'on suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, ça c'est dans le verset 170, dans Surat al-Baqarah, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. C'est-à-dire, malgré que leurs parents, ils ne réfléchissaient pas et ils n'étaient pas bien guidés, vous allez quand même les suivre. Ils n'utilisaient pas leur raison et ils n'avaient pas essayé de réfléchir et ils n'étaient pas bien guidés, vous allez les suivre quand même. Hein? Donc celui qui ne réfléchit pas, qui n'utilise pas sa raison et qui n'est pas bien guidé, il n'est pas apte à être pris comme un exemple. Et on ne doit pas le prendre comme un modèle à suivre. Hein. Celui qu'on doit prendre comme un modèle à suivre, c'est uniquement la personne qui utilise sa raison, qui réfléchit et qui est bien guidée. Donc, le fait de suivre aveuglément les gens dans les choses qu'ils font, ça fait partie de la jahiliya. Et on appelle ça également at-ta'assub. At-ta'assub, c'est une sorte aussi de fanatisme. Hein. Le fait de dire, moi je suis quelqu'un ou quelque chose parce que c'est des gens de mon pays, ou des gens de mon origine, ou des gens de telle ou telle chose, donc, mais pas par rapport à la guidance. Et donc, notre exemple qu'on doit suivre, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis. Et ça, on le retrouve chez, yani, des fois même, yani, ça m'est arrivé aussi dans des gens de ma propre famille, hein, que ce soit du côté canadien, québécois ou du côté haïtien, il y a des gens qui me reprochent d'être musulman, par exemple, du fait que les gens de ma famille ou les ancêtres dans mes familles, ils n'étaient pas des musulmans, et donc par principe, selon eux, je devrais suivre l'exemple de mes parents ou de mes ancêtres et pas suivre une religion étrangère. Et par exemple, côté de la famille de mon père, j'ai des proches, des gens de ma famille qui m'ont dit par exemple, mais je comprends pas comment tu as pu accepter une religion comme ça, c'est la religion des Arabes. Hein? Nous, on a une religion, les Haïtiens, leur religion c'est, ils sont catholiques, mais en réalité ils pratiquent beaucoup le vaudouisme. Donc ils m'ont dit, nous, notre religion c'est le vaudouisme. Et c'est ça qu'on doit suivre, et non pas la religion des Arabes. Quand je leur ai posé la question, et qu'est-ce que vous dites de la religion catholique? Ils ont dit, ouais, mais la religion catholique, ça c'est connu, on est des catholiques depuis des siècles. Et quand je leur ai demandé, est-ce que Jésus était haïtien? Ils m'ont dit non. Alors j'ai dit, bon, pourquoi vous acceptez sa religion alors que Jésus, vous savez qu'il n'était pas haïtien, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne voulez pas accepter sa religion parce qu'il est arabe, alors ça c'est une fausse excuse. Donc, quand je leur ai dit ça, après, ils ne savaient pas quoi dire. Et bien, c'est la même chose pour tous les exemples de taqlid que ces gens-là veulent pratiquer. Le fait qu'un prophète soit de tel peuple ou de notre origine, ça n'a aucun problème, ça ne représente pas un obstacle ou un problème pour nous de le suivre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on suit? Nous, c'est le message que Allah lui a transmis de la vérité. Et ça, c'est pas quelque chose qui est limité à un peuple en particulier, mais c'est pour tous les peuples, hein. Isa alayhi salam, eux-mêmes le savent, ils n'étaient pas français, ils n'étaient pas italiens, ils n'étaient pas grecs, hein, ils n'étaient pas haïtiens, ils n'étaient pas, hein, n'importe. Donc, il était de Bani Israël, des descendants des fils d'Israël, et c'est un de leurs prophètes, hein, il est venu pour eux. Donc, tu le suis, pourquoi? Parce que tu crois, soi-disant, que ce qu'il a amené, c'est la vérité. Malgré que les gens qui l'ont suivi par la suite, ils ont déformé son message. Maintenant, toi, tu as vu qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est la vérité. Alors tu dois le suivre toi aussi, même si il n'est pas de ton origine ou même peuple que toi. الشيخ رحمه الله وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير أتتبعونهم للسعير يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان ومآلهم إلى السعير العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد. Donc le cheikh dit que dans le verset, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné le verset 21 dans sourate Luqman qui mentionne que yani, lorsqu'on leur disait de suivre la révélation d'Allah, ils disaient on suit ce que nos parents ont suivi comme religion. Et Allah leur répond en disant, et même si le shaitan les invitait à rentrer dans le châtiment de l'enfer, et lorsqu'on dit aux mushrikis et aux kuffars, suivez ce qu'Allah a révélé, donc c'est-à-dire le Coran, ils disent non, on suit la religion de nos ancêtres, de nos parents. Et donc le cheikh explique le verset, il rajoute des explications, il dit même si le shaitan invitait ses parents-là ou ses ancêtres-là à suivre cette religion-là pour les appeler en enfer, est-ce que vous allez les suivre jusqu'en enfer, hein? Donc il dit vous voulez suivre vos parents. Même si c'était des gens qui suivaient le shaitan et que leur destination c'était l'enfer, la personne qui réfléchit, c'est obligatoire qu'il doit regarder qu'est-ce qu'il est en train de suivre. Et la personne qu'il est en train de suivre et de voir la destination ou la conclusion de où est-ce qu'il nous amène, hein, s'il pense qu'il est en train de les suivre. Donc il doit suivre quelqu'un qui l'amène à la bonne destination. ثم قال الشيخ رحمه الله فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل تفكروا ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادى جماعات وفرادى وتنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. Donc ici le cheikh il continue, il dit au Zahab, au Muhammad, au Mushrikin et au Kuffar, je ne vous exhorte qu'une seule chose, je ne demande qu'une seule chose, que vous leviez pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour réfléchir, hein, par deux, ou bien tout seul, et que vous commenciez à penser. Est-ce que celui-là, il parle comme quelqu'un qui est fou, ou quelqu'un qui est possédé, hein, et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Araf, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de celui-ci. Hein? Et peu, comme vous vous souvenez peu. Le chef explique ces deux versets-là. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a amené ce verset, leur a révélé, leur a expliqué ce verset. Et il leur a dit, hein, il leur a dit de suivre la vérité. Eux, ils ont dit non, nous on suit ce que suivent nos ancêtres. Hein, on ne va pas obéir à cet homme, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de leur dire, de leur ordonner d'observer, de réfléchir, hein, par rapport à ce que cet homme-là est en train d'appeler ou de ce qu'il est en train d'enseigner. Réfléchissez là-dessus et ne soyez pas pris par votre fanatisme, le fait que vous suivez vos ancêtres ou vos parents. Tenez-vous ensemble, hein, levez-vous par groupe ou tout seul et commencez à réfléchir à ce à quoi cet homme-là est en train de vous appeler. Si c'est vrai, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour vous de le suivre. Et vous n'avez pas le droit de rester sur ce que vos parents ou vos ancêtres étaient en train de suivre. Antakumu lillah, yani la lilhawa wal asabiyya, bal yakunu qiyamukum lillah. Turidun al-haq, mathna wa furada, ithnain ithnain, yufakkirun wa yajtami'un, ويعقدون جلسة لأن تعاون الجالسين أو الجماعة في رجاء الوصول إلى الحق أو فرادى أن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد أنه حق فيجب عليه اتباعه ثم تتفكروا ما بصاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تقولون إنه مجنون وليس له ليس به جنون بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف تقولون إنه مجنون فكروا انظروا في عقله انظروا في تصرفاته هل هي مثل تصرف المجنون للشيخ الزي. Donc, qu'est-ce que je vous demande, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce que je vous demande, c'est de vous lever pour Allah. Pas pour vos passions, pas pour vos désirs, pas par fanatisme, mais que vous vous leviez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que vous voulez la vérité. Et vous vous tenez par groupe de deux, hein, vous vous réunissez, puis vous faites une réunion, hein, vous vous assemblez, vous asseyez ensemble, et vous commencez à discuter, hein, pour essayer de réfléchir sur le but d'atteindre la vérité, dans l'espoir d'atteindre la vérité. Ou bien vous restez seul et vous asseyez pour réfléchir tout seul à qu'est-ce que cet homme-là, ce messager-là est en train de vous appeler. Et donc, vous allez réaliser que c'est la vérité et que c'est ça qui est obligatoire à suivre. Il dit, puis réfléchissez. Votre compagnon, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de folie en lui. Hein, c'est pas quelqu'un qui parle par la folie. Au contraire, même c'est un des hommes les plus intelligents et des plus sages et des plus raisonnables parmi les créatures. Et une des créatures qui a le plus le sens de la sincérité et du bon conseil par rapport au qu'est-ce qui est bon pour les hommes et la créature la plus connaissante. Donc, comment pouvez-vous dire à son sujet qu'il est fou? Hein, vous l'accusez d'être fou ou vous l'accusez de folie. Réfléchissez et regardez par rapport à ce qu'il est en train d'enseigner et regardez est-ce que c'est un homme qui est raisonnable ou non. Regardez comment il se comporte, regardez son comportement. Est-ce qu'il agit comme quelqu'un qui est fou? Est-ce qu'il agit comme quelqu'un qui n'est pas raisonnable? Hein, et observez bien et réfléchissez bien. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد فهو جعكم ناصح لكم يريد لكم الخير ويريد لكم النجاة ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة فكيف تصفونه بهذا الوصف وتقولوا إنه مجنون بدون روية بدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب ويقبل الحق ويرد الخطأ ويرد الخطأ ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل. Donc le cheikh il dit, votre compagnon il n'a pas de folie en lui. Hein? C'est uniquement pour vous un avertisseur qui vient à vous annoncer de craindre un dur châtiment ou un châtiment sévère. Donc il dit, si vous ne croyez pas en ce messager et si vous ne le suivez pas, vous allez être atteint par un dur châtiment. Et il est venu pour vous comme un conseiller fidèle et sincère, et il veut pour vous le bien, il veut pour vous le salut, il veut pour vous tout ce qui est bon et le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre vie après. Donc comment pouvez-vous le décrire par cette description et de dire qu'il est fou, sans même prendre votre temps pour réfléchir et pour regarder, observer hein, ce qu'il a amené. Donc c'est ainsi que toute personne qui est raisonnable, elle doit regarder ce que les gens disent, analyser ce que les gens disent, et distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect. Et il doit accepter le vrai et rejeter le faux. Et donc, il ne doit pas laisser le fait de suivre aveuglément ses ancêtres ou sa religion hein, prendre le dessus sur lui pour le faire rester sur ce qu'il faut. Donc ça, c'est un exemple. Donc ce point-là, il est fini. Le point numéro 4, il est terminé. Maintenant, il me ramène un autre exemple parmi les masa'im, les points de la jahiliya. Al-ihtijaj bima alayhi al-aksar, duna nazarin ila mustanadihi. C'est-à-dire de se baser, ça c'est le point numéro 5, de se baser sur qu'est-ce que la majorité est en train de suivre, sans prendre en considération ou sans regarder sur quoi il se base, sur quoi se base cette majorité-là. Et ça, vous allez voir, ça vient vraiment clarifier quelque chose qui est très important, surtout à notre époque, puisque les gens d'aujourd'hui sont tous en train d'appeler à l'idée qu'on appelle la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la majorité, hein, la position qui est votée par la majorité, c'est celle qui est suivie. Comme si pour eux, qu'est-ce qui est le haq? Qu'est-ce qui est la vérité? C'est qu'est-ce que la majorité a décidé. Et toi, si tu es minoritaire, et que tu prônes quelque chose, tu défends quelque chose, mais qui, c'est contraire à qu'est-ce que la majorité a décidé, ils ne vont pas l'accepter, même si c'est la vérité. C'est-à-dire, tu peux aller voir la majorité des gens qui ont voté pour quelque chose, tu leur dis, écoutez, vous avez voté pour ça, mais ça c'est faux. Et moi, qu'est-ce que je vous amène? C'est quelque chose qui est minoritaire, c'est-à-dire c'est pas la majorité des gens qui sont d'accord avec, sauf que c'est ça la vérité, c'est ça qui est correct. Et ils vont dire, non, on l'accepte pas, même si c'est la vérité. Parce que nous, on suit, qu'est-ce que suit la majorité seulement? Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. الشيخ الزي parmi leurs plus grandes règles, il y a le fait de se laisser tromper par la majorité. Ils se basent là-dessus pour déterminer que quelque chose est correct. Et ils utilisent ça comme une preuve comme par exemple pour dire que quelque chose est faux, ils se basent sur le fait qu'il y a peu de gens qui sont d'accord avec quelque chose. Donc par exemple, juste pour vous donner un exemple. En France maintenant, ils sont en train de parler sur le sitar ou bien le niqab, et ils disent c'est juste une minorité des musulmans qui le portent, donc ça veut dire que c'est pas vrai, hein, parce qu'ils se basent sur la majorité. Ben, si c'était comme ça, on aurait pu dire aussi que la salat c'est pas vrai, puisque c'est la majorité des musulmans qui prient pas. Hein? Donc est-ce qu'on va se baser sur la majorité pour déterminer quelque chose qui est vrai ou non? On ne va pas se baser sur la majorité. Et le fait que ce soit une minorité qui pratique quelque chose, on ne va pas dire que c'est faux parce que c'est une minorité. Et ça, ça vient réfuter l'argument de ces soi-disant musulmans aujourd'hui qui passent à la télé des fois, ou dans les radios, ou dans les magazines, ou dans les autres médiums qu'ils utilisent pour s'exprimer. Et ils disent aux non-musulmans ou aux kuffars, le niqab, ça ne fait pas partie de l'islam parce que c'est juste une minorité qui le pratique. Alors dans ce cas-là, dites la même chose pour la salat. La salat, c'est juste une minorité des musulmans qui la pratiquent. Est-ce que vous allez rejeter la salat? Hein? Donc ça, c'est un exemple. Donc, ils disent quelque chose, s'il est fait par un petit nombre, ça veut dire que c'est faux. Fa'atahum bidrid dizalika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a amené le contraire de ça. Et il leur a clarifié cela dans plusieurs endroits dans le Coran. Dans plusieurs versets dans le Coran. Le Cheikh Al-Fawzan explique, il dit, من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرية أو بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق وما كان عليه الأقل فهو غير الحق. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق. فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب، وهو الذي يجب الاقتداء به. وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها، يجب رفضها وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق. ولذلك يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. الشيخ الفوزان يزيد parmi les exemples de la jahiliya, il y a le fait qu'il se base sur la majorité pour déterminer que quelque chose est vrai. Il se base sur la minorité pour dire que quelque chose n'est pas vrai. Donc, ce que décide la majorité, pour eux c'est la vérité, ce que font la minorité, pour eux c'est qu'est-ce qui est faux. Et c'est ça la règle et la balance pour eux, pour déterminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça c'est une erreur. Le chef il dit ça c'est une erreur, et puis là il cite des versets dans le Coran pour prouver ça. Il y en a de nombreuses preuves. Mais juste pour vous donner des exemples, juste avant de mentionner les versets, par rapport à ce qui se passe ici, par exemple, en Europe, ou en Amérique, ou ailleurs, même maintenant, c'est rentré dans les pays musulmans, les affaires de démocratie, c'est même le pire, comme j'ai mentionné, des fois même dans des exemples, même maintenant dans les mosquées et dans des associations islamiques, des gens sont arrivés au point où ils votent maintenant pour déterminer s'ils acceptent quelqu'un ou s'ils ne l'acceptent pas. Imaginez, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a demandé à l'humanité de voter pour savoir s'il acceptait ou non? Si c'était une question de vote, la majorité des mouchriquins, ils n'auraient pas voté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà au début, ils ne voulaient même pas croire en lui. Donc ce n'est pas une question de majorité ou de minorité, c'est une question de vérité. Donc à l'époque, il y a des choses ici en France, même au Canada, personne acceptait. Tout le monde était d'accord que c'était des choses mauvaises. Si tu recules, il y a peut-être 100 ans, ou même moins que ça. Eh bien, la majorité des gens, si tu leur demandais à cette époque-là, est-ce que vous êtes d'accord que des femmes marchent avec des mini-jupes dans la rue, vous allez tous être contre. Si vous leur demandez, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec plein d'autres mœurs, ou plein d'autres choses mauvaises qui sont pratiquées aujourd'hui, comme l'homosexualité ou autre, tout le monde allait rejeter ces choses-là. Tout le monde allait dire, non, on n'est pas d'accord. Ben aujourd'hui, c'est accepté. Parce qu'il y a eu une da'wah qui s'est faite petit à petit pour amener les gens à accepter ces idées-là. jusqu'à ce que ça devienne une idée majoritaire, puis après que les gens l'acceptent. Et étant donné qu'ils savent que, yani, les gens sont, ils savent que les gens changent, qu'on est capable de faire changer les opinions des gens, ils essaient de pousser les gens vers une mentalité ou une idée, et pour faire ça, bien entendu, ils prennent le contrôle des médias, le contrôle des, yani, des journaux, de tous les magazines et tout, les radios, pour propager une idée et la faire devenir plus populaire. Puis une fois que la majorité des gens l'ont acceptée, eh bien, ils demandent aux gens de voter, et puis les gens votent en faveur de ce qu'ils veulent. Et si tu arrives avec quelque chose qui est contraire à ça, ils vont dire non, non, non, non, on l'accepte pas parce que c'est contraire à qu'est-ce que la majorité a voté. C'est contraire à nos valeurs. C'est contraire à notre identité, ils vont dire, ou à d'autres futilités. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans le Coran, dans le verset 116, dans Surah Al-An'am, et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire quoi? La majorité des hommes sur la terre, ils vont t'égarer du droit chemin. Et la vérité, c'est, la réalité, c'est ça. La majorité des gens sur la terre sont des kuffars, des mouchriquins. C'est pas des musulmans, la majorité. Si on dit qu'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la terre, ben, il y en a seulement 1 milliard parmi eux qui sont, soi-disant, musulmans de nom. Et parmi ce milliard de musulmans, combien il y en a qui sont vraiment sur le Coran et sur la Sunna et la voie des salafs? Il y en a, Allahu A'lam, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais c'est pour dire que la majorité des hommes sur la terre, ils ne sont pas sur la vérité. Donc Allah il dit, et si tu obéis à la plupart des hommes sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Et il dit, ils ne suivent que des conjectures, et ils ne font que conjecturer, et oublier ils ne sont pas certains de ce qu'ils suivent, ils sont dans le doute en réalité. Et il mentionne le verset 187 dans Surat Al-A'raf, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais la plupart des hommes ils ne savent pas. Ça se répète dans plusieurs versets dans le Coran. La plupart des hommes ne savent pas. Et il mentionne dans le verset 102. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Et on n'a pas trouvé chez la plupart d'entre eux de gens qui respectent leurs paroles ou leurs ententes ou leurs actes. Quand ils ont pris une entente ou un engagement, ils ne respectent pas. Ça, c'est Allah, il dit dans le Coran, la majorité d'entre eux, ils ne respectent pas. Et on a trouvé que la plupart d'entre eux sont des fasiqins, c'est-à-dire c'est des désobéissants, des pécheurs. C'est le verset 102 dans Al-A'raf. Et il dit ainsi que d'autres versets qui sont très très nombreux, qui mentionnent que la majorité, souvent, elle est dans l'égarement. Le cheikh, il explique, il dit de toute façon, la balance, pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux, c'est ni la quantité, c'est-à-dire ni la grande quantité, ni la petite quantité. Ça se peut qu'un groupe soit petit, soit un petit nombre de personnes, mais qu'il soit dans l'égarement aussi. Hein? C'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on est sur le haq non plus. Et c'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on est sur le haq. Hein? Et c'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on est sur le batil, et c'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on est sur le batil. La balance, ou le point qui nous aide à distinguer entre la vérité et le faux, c'est quoi? C'est la vérité elle-même. Même si tu es tout seul, même si c'est toi le seul qui est sûr quelque chose de vrai, alors dans ce cas-là, c'est toi qui as raison. Et c'est toi qu'on doit suivre. C'est toi l'exemple. Et le cheikh il dit, وَإِذَا كَانَتِ الْكَثْرَ عَلَى الْبَاطِلِ. Si la majorité des gens sont sur quelque chose qui est faux, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de refuser et de rejeter ce que ces gens-là suivent et de ne pas se laisser tromper par cette majorité-là. Donc, le point qu'on doit prendre en considération dans ces questions-là, c'est uniquement la vérité. Et c'est pourquoi les ulama disent, on reconnaît la vérité non pas par les hommes, mais on reconnaît plutôt les hommes par la vérité. On ne reconnaît pas la vérité par les hommes, mais on reconnaît les hommes par rapport à la vérité. Dans le sens que, c'est pas parce que moi je dis quelque chose que c'est vrai, hein, mais je suis une personne qui est sur la vérité parce que ce que je dis est en accord avec la vérité. Mais c'est pas la vérité, c'est pas moi qui détermine qu'est-ce qui est vrai ou faux. Qu'est-ce qui détermine si ce qui est vrai ou faux, c'est la parole d'Allah, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il y en a qui vont dire, bah c'est vrai parce qu'un tel l'a dit. Non? C'est pas vrai parce qu'un tel l'a dit. Peut-être que lui, même si c'est quelqu'un qui est une personne d'habitude qui dit la vérité, il peut se tromper. Donc on reconnaît pas quelque chose de vrai parce que c'est un tel qui l'a dit, mais au contraire, on va reconnaître que celui-là, il est sur la vérité parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna. Donc il y a des gens qui oublient ça et qui se basent sur les hommes au lieu de se baser sur la vérité. Donc le cheikh dit, si on suit quelqu'un, pas parce que c'est lui qui l'a dit, parce que ce qu'il a dit, c'est ça qui est correct. Et si quelqu'un qui est sur l'égarement, il dit quelque chose de vrai, on va pas le rejeter parce que c'est lui qui l'a dit. On va accepter la parole qu'il a dit qui est correcte, même si lui il est dans l'égarement. Parce que nous, qu'est-ce qu'on accepte? C'est la vérité, pas par rapport à la personne, mais par rapport au fait que c'est la vérité elle-même. Le Cheikh dit, Wallahu Jalla wa Ala yaqul, Wallahu Jalla wa Ala fima qassa anil umam. أخبر أن القلة قد يكونون على الحق كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل وفي الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرحت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس أو لو لم يكن عليه أحد ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدا وهذا ميزان يجب أن أن يتخذه المسلم دائما معه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des nations qui nous ont précédés, qu'il se peut que parfois un petit nombre soit sur la vérité. Hein? Dans le verset 40 dans Sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et parmi ceux qui ont cru en lui, il n'y avait que très peu de gens. En parlant du prophète Nuh alayhi salam. وما آمن معه إلا قليل. C'est-à-dire, ce ne sont que très peu d'entre les hommes qui ont cru avec lui. Et dans le hadith, il y a un hadith qui mentionne que, au jour de la résurrection, hein, les hommes vont être présentés. C'est-à-dire, en fait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu toutes les nations qui sont présentées avec leur prophète au jour de la résurrection. Puis, il a vu une nation qui arrivait. Et ils étaient tellement nombreux qu'ils couvraient l'horizon en entier, comme une grande noirceur, une grande ombre, une grande foule, une masse de personnes. Et il croyait que c'était sa nation, il a dit non, ça c'est la nation de Moussa alayhi salam. Puis après il a vu une autre masse de personnes, et on lui a dit ça c'est ta Umma. Et après, il a vu d'autres nations qui sont venues. En fait, il a vu des prophètes qui étaient venus avec deux personnes seulement qui les suivaient, une ou deux personnes qui les suivaient seulement. Et un autre prophète qui est arrivé, il n'y avait personne du tout qui le suivait, même pas un seul homme ou une seule femme, personne ne les suivait. Ça, c'est la preuve que le fait que tu sois en train d'appeler à la vérité, on va pas déterminer ça par rapport au nombre de personnes qui te suivent. Et il y a des gens aujourd'hui, même parmi certains groupes islamiques, qui font l'erreur justement d'associer le nombre avec la vérité. Et on retrouve ça surtout dans les groupes comme les Ikhwan par exemple, les frères musulmans, le groupe des frères musulmans. Eux, ils considèrent que plus qu'il y a de monde qui les suivent, c'est-à-dire que plus qu'ils sont en train de faire quelque chose de vrai. Et si c'était sur ça qu'on devait se baser pour déterminer le vrai et le faux, alors ce serait bien entendu les mushrikines qui seraient plus sur la vérité par rapport à ce facteur-là, puisque c'est les mushrikines qui sont plus nombreux sur la terre. Mais si on met ça de côté, puis on regarde, on dit, qu'est-ce que le fait qu'ils ont adopté cette voie ou cette méthodologie-là, ça les a amenés à tomber dans beaucoup d'erreurs et beaucoup de péchés. Parce que ils essaient toujours de voir qu'est-ce qui va attirer les gens, qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens, qu'est-ce que les gens vont aimer. Et ils se basent sur ça pour changer leur message ou pour changer leur méthode d'appeler les gens. Donc ils vont dire par exemple, bon les gens ils aiment la musique, ok on va leur faire une musique soi-disant qui est halal. Les gens ils aiment par exemple, je sais pas moi, se mélanger entre hommes et femmes, on va leur faire une mixité mais qui est soi-disant on va l'appeler islamique. Les gens ils aiment le cinéma, on va leur faire un cinéma islamique. Ils aiment le théâtre, on va faire des théâtres islamiques, ainsi de suite. Et donc, ils tombent à chaque fois dans des choses haram pour attirer les gens, pour faire plaisir aux gens. Ils disent, bon, parler d'aqidah, ça éloigne les gens, on ne va pas parler d'aqidah. Parler de tawhid, ça éloigne les gens, on ne va pas parler d'aqidah, on ne va pas parler de tawhid. Toujours pour faire attirer les gens. Donc, à la fin, en réalité, quand on observe leur da'wah et leur message, il n'y a plus rien de fond, il n'y a plus de fondement dedans. C'est juste un moyen pour attirer les masses. Hein. Et souvent, ils se réunissent autour des événements qui se passent dans le monde et ils utilisent ces événements-là ou les malheurs qui se passent dans la Ummah pour, disons, rassembler les masses, hein, faire des manifs, des manifestations, des trucs comme ça. Donc, ils pensent que de faire ça, ça prouve qu'on est sur le haq. Hein, et que nous, les salafis, par exemple, on est peu nombreux, donc, eux sont peu nombreux, les salafis, c'est une minorité, donc on les calcule pas, parce que de toute façon, ils sont pas nombreux. Et on a la preuve que c'est faux, puisque au jour de la résurrection, il y a des gens qui vont arriver avec un prophète. Il y a des prophètes qui vont arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura personne avec eux. Il y aura même pas un seul homme qui les a suivis. Donc, ça prouve que c'est pas le nombre qui détermine si le prophète il a été sur la vérité ou non, puisqu'on sait tous que les messagers d'Allah sont tous sur la vérité. Et comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent avec personne? C'est pas parce que leur message n'était pas vrai, c'est pas parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, c'est parce que les gens n'ont pas voulu l'accepter. Ils n'ont pas dit, les prophètes n'ont pas dit, bon les gens ils acceptent pas le da'wah, les gens ils acceptent pas qu'est-ce qu'on leur dit, on va faire des modifications pour leur faire plaisir, pour qu'ils nous acceptent. Imaginez si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, bon, Quraysh, ils n'aiment pas qu'on critique leurs idoles, bon, ok, on va arrêter de critiquer les idoles. Et on va accepter un petit peu d'idolâtrie au début, puis petit à petit, on va essayer de les ramener. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de compromis dans ses principes et dans sa foi. Il est resté ferme jusqu'au bout, et puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire. Donc, le cheikh, il dit, donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est pas la quantité de gens qui suivent une voie ou une position, mais on prend en considération le fait, est-ce que c'est haq ou est-ce que c'est batil, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et si c'est vrai, même si c'est un petit nombre de gens qui le suivent, alors c'est ça qu'on doit suivre. Hein? أو لو لم يكن عليه أحد même s'il n'y avait personne qui la suivait cette position là madame annahu haqq, du moment que c'est vrai, alors tu t'accroches à cette position là et tu la suis. Il y a des musulmans aujourd'hui, c'est pas comme ça des fois malheureusement, qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur religion, c'est par rapport à qu'est-ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ils disent, ah, il y a personne dans ma ville qui fait ça, donc je vais pas le faire, hein, alors qu'ils savent que c'est le haqq. Donc ils se basent sur les autres. Et ça, c'est dommage. Alhamdulillah, au début, c'est plus difficile. Donc, ceux qui ont plus de foi, c'est eux qui vont faire des sacrifices au début, puis qui vont, disons, pratiquer les aspects de la sunna que les autres ont négligés. Puis, par la suite, ça va arriver, les gens vont commencer à être habitués. Hein, c'est ça, ça, c'est un des arguments des gens par rapport au sitar aujourd'hui, au niqab. Il y en a des gens qui disent, ouais, mais les gens, quand ils voient ça, ils ont peur. Ils sont pas habitués. C'est vrai, ok, ils sont pas habitués. Mais si vous commencez à le faire de plus en plus, que les gens commencent à le voir de plus en plus, ils vont devenir habitués après. Comme avant, ils n'étaient pas habitués de voir le hijab. Maintenant, il y en a de plus en plus des femmes qui portent un foulard sur la tête, même si des fois c'est même pas en accord avec les principes réels de la charia, mais ils portent quand même un petit foulard, les gens ils commencent à accepter ça. Après, quand ils commencent à porter le djilbab, ils commencent à accepter ça. Et quand maintenant ils commencent à porter le sitar, ils savent que les gens ils vont commencer à l'accepter aussi. C'est justement pourquoi ils veulent fermer la porte, pour que les gens ils s'habituent pas, pour que les gens ils rejettent cette pratique-là. Malgré que c'est une pratique islamique qui est connue dans la religion, et qui n'est pas quelque chose d'étranger à l'islam, contrairement à ce que prétendent certains qui mentent au sujet de la religion d'Allah. Donc, le cheikh il dit, donc, la vérité c'est ce qui est en accord avec qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le faux, même si un grand nombre de personnes essaient de le supporter ou de le défendre, le fait qu'il soit nombreux, ça ne la supporte pas. Parce que si c'est faux, c'est faux. Hein? Et même si tu réunis toute l'humanité pour qu'ils défendent quelque chose, mais que cette chose-là, elle n'est pas vraie, mais même s'ils le défendent, ça ne rajoute rien de plus à ce mensonge-là ou à cette fausseté-là. Hein? Donc, en voulant dire que le faux, il ne peut pas être défendu par un nombre, et le nombre ne va rien changer au fait que cette chose-là, elle est fausse. Et ça, c'est la balance sur laquelle on doit se baser pour distinguer, hein. Et le musulman, il doit toujours prendre ça comme base pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, il dit, wa alayhi wa sallam, il dit, bada al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, kama bada, fatouba lil-ghuraba, wa dhalika, chayna yakfur shar, wa al-fitan, wa al-dalal, فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزع من القبائل يصبحون غرباء في المجتمع البشري والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال ودعا الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم فالعبرة ليست بالكثرة العبرة بالصواب وإصابة الحق نعم إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الشيخ الإسلام البروفيت صلى الله عليه وسلم قال الإسلام a débuté de manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle l'a débuté. Donc ça c'est le cheikh il dit, c'est pour ça que lorsqu'il y a beaucoup de mal, beaucoup de tribulations, de mal, d'égarement dans la société, hein, ceux qui restent sur la vérité sont des gens qui sont vus comme des gens étranges, des gens étrangers parmi les hommes. Hein, et ils sont donc étrangers dans la communauté humaine. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à une époque où le monde entier était noyé dans la mécréance et dans l'égarement, et il a invité les hommes. Et il n'y avait qu'un homme ou deux qui avaient accepté son message au tout début. Puis par la suite, ils ont augmenté. Hein, et au début, hein, c'était par rapport à Quraysh. Hein, c'était une minorité par rapport à Quraysh. Après, ils étaient une minorité par rapport à la péninsule arabe au complet. Après, ils étaient une minorité par rapport au monde entier, par rapport à l'égarement. Hein, qui existait dans le monde. Et donc, au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul à appeler l'humanité, à appeler tous les hommes. Aujourd'hui, vous allez dans les pays musulmans, on dirait, vous parlez aux musulmans, on dirait qu'ils oublient qu'à une époque, il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur l'islam. Ils oublient cette réalité-là. Ils pensent qu'on dirait que, pour eux, on dirait que pour toujours, ça a toujours été l'islam comme elle est aujourd'hui, partout dans le monde. Hein, non. Il y a des époques où il n'y avait que le prophète, il y a une époque où il n'y avait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était sur l'islam. Et il a commencé à inviter les gens à accepter cette religion-là. Et donc, ceux qui l'ont suivi étaient très très peu dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération? Ce n'est pas la quantité. qu'est-ce qui est important, c'est que sa position soit, la position soit correcte et qu'elle soit en accord avec la vérité. Il dit oui, le chef il dit oui, si une grande portion des gens sont sur la vérité, sont sur ce qui est correct, c'est bien, on ne va pas nier que c'est quelque chose de bien. Toutefois, Allah a voulu qu'en général, la majorité des gens soient sur le faux. Et c'est comme ça que ça se passe en général dans l'humanité. Il mentionne le verset 103 dans Surat Yusuf, dans lequel Allah il dit, et la plupart des hommes hein, ne croiront pas, même si tu as toi un désir ardent de les voir accepter la foi et d'accepter hein, de croire. Donc même si tu veux qu'ils croient, la majorité des hommes ne vont pas croire. Et il mentionne le verset 116 dans Surat Al-An'am, et si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, avec ça, ça vient conclure le point numéro 5. Et je ne sais pas combien de temps il reste avant la prière. 20 minutes. Khair, inshallah. Donc si vous voulez vous arrêter ici. Ou bien on continue un autre point encore. En 20 minutes, on n'aura pas le temps de le terminer, probablement. Mais bon. Donc, on peut s'arrêter ici, puis le temps, si on va prier ici ou à la mosquée. Tayyib. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. إياكم فيك بركة طيب.